tu peux être parfaitement heureux sur Terre, mais tu peux pas être tout le temps parfaitement heureux sur Terre. Tandis que dans l'éther, tu peux être parfaitement tout le temps heureux. Parce que c'est le palais qui t'intéresse. Tu peux pas soutenir constamment la vibration pour créer des mots ou des actions, parce que tu peux avoir des ajustements à venir. Ouais, tandis que dans l'éther, tu n'as rien à faire. C'est ton corps. C'est ton corps lumineux. Y'a-tu 11 heures pour manger? On peut-tu manger? Hein? Je peux pas aller vite manger. Y a-tu des gens qui sont bloqués dans le sens que il y a des choses que s'ils comprenaient, ça les amènerait à comprendre plus facilement. C'est comme des marches, là. Y a-t-il des gens qui sentent que ça, il y a comme un mur, là, qui sont pas capables d'aller plus loin, OK. Non, je pense de moi. Plus ou moins. On vit des familles, là. OK, je vais parler dans cette direction-là, dans la direction des blocages. Je vais expliquer l'affaire des blocages. Il y a des gens qui peuvent être bloqués pendant très, très longtemps. Puis à un certain moment, ça débloque. Il y a des gens qui débloquent vite. Le système de blocage qu'on vit, c'est un système qui fait toujours partie de notre émotivité. Le blocage est toujours lié à notre émotivité. Mais on ne comprend pas, nous autres les hommes, qu'est-ce que c'est de l'émotivité. Notre compréhension, nous autres, de l'émotivité, c'est ce qu'on connaît au niveau de notre expérience. Une situation émotive, si on comprend ça. Mais quand on parle d'émotivité, quand je parle d'émotivité en relation avec la conscience, avec l'intelligence, je parle pas de la même émotivité que les gens connaissent ou que les gens reconnaissent dans leur personnalité. Pour moi, de l'émotivité, c'est une énergie qui n'est pas sous le contrôle de l'homme. C'est une condition d'énergie, c'est une condition atmosphérique de la conscience de l'homme sur laquelle il n'a aucun pouvoir. Ça n'a rien à faire avec les émotions humaines. Ça a à faire avec le rapport étroit qui existe entre l'énergie pure et l'intellect. Quand je parle d'émotivité, je parle du rapport entre l'énergie pure et l'intellect de l'homme. Je ne parle jamais de l'émotivité dans le sens que l'on conçoit d'habitude. Dans le rapport entre l'énergie pure et l'intellect, il se crée un fracas, il se crée un choc. Et ce choc débloque l'homme, autrement dit, détruit son émotivité, détruit l'atmosphère, cette atmosphère. Et ensuite, ça c'est important, ensuite seulement, l'homme peut-il se servir de son énergie émotive dont il connaît, par expérience, pour l'élever au niveau du mental. Je vous donne un exemple. Prenez-moi bien objectivement, par exemple, dans l'exemple. Supposons qu'il y ait en vous une intention de faire quelque chose, de vivre quelque chose qui requiert une dépersonnalisation de votre fausse personnalité ou qui requiert que vous fassiez quelque chose qui soit au-delà de ce que votre vieille personnalité auparavant aurait pu faire. Automatiquement, cette intention vient de l'ajusteur de pensée, passe par votre mental et elle est bloquée par votre mental. Étant bloquée par votre mental, elle vous empêche de vivre votre émotivité au bout, c'est-à-dire vivre l'énergie de votre émotivité et de l'amener au mental supérieur. Dans la relation entre l'énergie et le mental de l'homme, il y a toujours un contrat, il y a toujours un test. Et c'est difficile, c'est facile pour un homme fusionné de vivre un test, mais c'est difficile pour un homme qui n'est pas fusionné de vivre un test. Parce que l'homme qui n'est pas fusionné, lui, va se servir de son mental inférieur pour rationaliser l'intention. Puis il va dire, ben, je suis pas pour faire ça. Aussitôt qu'il dit, je suis pas pour faire ça, il empêche l'énergie émotive de passer au plan mental supérieur. Il s'empêche de transmuter son corps astral. Alors, automatiquement, ça l'empêche, lui, d'être créatif dans son énergie. Et le phénomène le plus près de l'homme, pour réellement expliquer ça, c'est le phénomène le plus universel de l'homme, c'est le phénomène de la sexualité. C'est dans la sexualité de l'homme qu'il est le plus difficile pour lui de vivre le contrat entre l'énergie et l'intellect. Parce que là où l'homme percevra l'intention de l'intelligence, de l'énergie, son intellect le bloquera. Et l'énergie qui est dans l'émotif ne pourra pas être transmutée. Si l'homme est fusionné, c'est facile. Parce que s'il est fusionné, son intellect n'a pas le pouvoir d'empêcher l'intention. Alors, son intellect va canaliser l'intention. Mais pour l'homme qui est inconscient, pour l'homme qui va vers la fusion et qui ne sait pas créer des actions, ça revient tout à l'affaire de créer des actions, ça, puis créer des paroles. Comme l'homme ne sait pas créer des actions, il ne sera pas capable d'engendrer en lui, de faire passer en lui l'énergie de l'intention de l'intelligence. Parce que son intellect va rationaliser la situation et va empêcher que l'énergie émotive en lui passe d'un autre plan. Et ce phénomène-là, il existe dans notre vie à tous les niveaux. Je parle de la sexualité parce que c'est un barème universel. Mais il existe, ce mécanisme-là, à tous les niveaux. Et tant que l'homme ne sera pas capable de réaliser l'intention de l'énergie et ne pas y opposer son intellect, il ne pourra pas transmuter le corps astral. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que dans il y a deux choses que je veux dire. Dans la descente de la conscience supramentale sur la Terre, il y a deux groupes d'hommes. Il y a des groupes d'hommes qui vivront des tests et il y a des groupes d'hommes qui ne vivront pas de tests. et ceux qui vivront des tests en relation avec l'intention de l'intelligence se découvriront automatiquement une sorte de liberté d'esprit qu'ils ne pourront jamais discuter publiquement ou faire connaître publiquement parce que l'homme pense et comme l'homme pense et réfléchit, il ne pourra jamais accepter le caractère absolu de cette relation entre l'énergie et l'intelligence. Et automatiquement, ces expériences, de quelque sorte que ce soit, demeureront toujours à l'intérieur de l'homme qui le vit. Feront partie de sa conscience, de son intelligence, de son expérience. Mais ne pourront jamais servir à éclairer d'autres hommes. Parce que c'est totalement personnel. Et cette expérience, elle est à la mesure toujours de celui qui peut la vivre. C'est pour ça que quand on parle de conscientisation, quand on parle de fusion, on est obligé automatiquement, éventuellement, de parler du passage de l'énergie à l'encontre de l'intellect, à l'encontre de l'ego, contre l'ego, pour transmuter les émotions de l'ego. Et je ne peux pas dire combien de gens vivront cette expérience-là dans la totalité de ceux qui connaîtront la conscience supramentale. Mais je peux dire que la conscientisation, la transmutation du corps émotionnel ou de l'énergie émotionnelle en énergie mentale sera proportionnelle à la capacité des gens de vivre ça. Et les gens le vivront cela selon l'intention qui sera mise en eux par l'intelligence. Tu sais, j'ai déjà parlé des secrets de l'homme. Et chaque homme doit vivre un secret à un niveau quelconque. C'est-à-dire que chaque homme doit vivre une expérience quelconque éventuellement au cours de l'évolution vers la conscience supramentale. Mais les secrets que vivront les gens seront vécus en rapport avec leur capacité de sentir l'intention et de la manifester. Les initiés ne peuvent pas faire vivre des expériences avec les gens au niveau du secret parce qu'il y a trop de monde. Les initiés peuvent prendre un certain nombre de personnes et leur faire vivre des expériences qui relèvent de ce secret-là. Mais ils ne peuvent pas faire vivre toute une population qui s'initie dans la conscience universelle. C'est évident. Alors, mais les gens, en général, vivront ce rapport entre l'intellect et l'intention. Et quand tu... Je ne peux pas vous dire comment encore. Parce que c'est trop individuel. Mais je sais qu'il y a définitivement un point de rencontre entre l'énergie et l'intellect dans la vie de tous ceux qui vont vers la conscience supramentale. Et ça, ça fait partie de la capacité de créer une action. Créer des paroles, créer des mots, c'est suffisamment facile. Mais créer des actions, c'est pas aussi facile. Parce que créer des actions engendre de l'émotivité, engendre une réaction dans l'ego. Tandis que créer des mots n'engendre pas de réaction dans l'ego. Et l'homme doit être capable, pour être dans l'énergie, à la fois de créer des mots et créer des actions. Créer des mots, ça peut être la première période, mais créer des actions sera certainement la deuxième. C'est le signe de conscience de l'homme que l'intention et l'intention qui passe en lui, c'est pas des affaires de son ego. Lui, il est là pour canaliser l'énergie. C'est exactement le but de ça. C'est pas les affaires de son ego, parce que l'homme n'est pas conscient, l'homme n'est pas conscient des lois de l'énergie. L'homme n'est pas conscient des liens télépathiques sur les autres plans. L'homme n'est pas conscient de ce qu'une une action créative sur le plan matériel peut causer sur d'autres plans. Alors, si l'homme bloque cette action créative-là sur le plan matériel, il empêche que d'autres connexions télépathiques se fassent sur les autres plans. Autrement dit, il empêche que les hommes conscientisés forment sur les autres plans une autre énergie. Il y a un temps pour créer une action créative, pour faire une action créative. Vous ne pouvez pas la faire avant un certain temps, parce qu'elle ne fait pas partie de l'ego. Elle fait partie de l'énergie d'intelligence. Dans son temps, c'est l'énergie d'intelligence qui dirige ça. C'est pas les affaires d'ego. Vous pouvez pas le faire durer plus longtemps que vous pouvez. C'est totalement sous le contrôle vibratoire de l'énergie. L'intensité d'énergie dans chaque action créée. C'est une énergie créative qui détermine une action qui doit être vécue par l'ego pour se désengager émotivement de quelque chose. Ou pour simplement se désengager émotivement pour que l'énergie serve sur un plan supérieur. Pour augmenter le taux vibratoire de l'intelligence. Pour augmenter la création, la compréhension. Pour augmenter la clarté d'esprit. Parce que quand un ego vit, quand un ego vit une action créative en relation avec l'énergie de l'intelligence, cette action créative, elle est toujours antisociale. Antisociale dans le sens contre ce qui est établi, ce qui est la norme. Elle est contre. Et comme elle est contre, elle engage l'ego à une sorte de souffrance. Et si elle est vécue, elle créera une souffrance. Et ensuite, la souffrance disparaîtra. Et dans la disparition de la souffrance, il y aura eu transmutation d'énergie motive. Le choc du vibrant est à la mesure de ce qu'il doit engendrer par la suite. Le choc qui vit est à la mesure de ce qu'il peut supporter par la suite. La souffrance est faite. La souffrance est le travail fait qui amène le changement vibratoire, une plus grande clarté d'esprit. Tantôt, tu as dit que c'était très important de parler de sexualité. Et j'ai pas saisi en tout cas de lien. Je ne veux pas en faire de lien. Je prends la sexualité comme. Un dénominateur commun, parce que c'est commun à tous les hommes, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'intérêt vital. Ça peut être quoi? L'intérêt vital. Pour savoir si on est dans notre intérêt vital. Ça se fait avant l'intérêt vital. Ça vient avant l'intérêt vital. Ça fait partie de subir une réorientation psychologique. Ça fait partie de subir une réorientation du moi. Ça fait partie de changer la nature du moi. Ça fait partie de changer l'idée qu'on se fait du moi. Ça déculotte le moi. Ça le rend nu, le moi, devant lui-même. Ça empêche le moi de se prendre au sérieux. Ça fait toutes sortes de choses. Ça sort le moi des sentiments qu'il peut avoir de lui-même. Ok. C'est pas que ça déracine de la sécurité, mais ça tue la racine de la sécurité. Ça tue la racine de la sécurité pour créer une autre sécurité qui n'est pas racine, qui n'est pas enracinée en soi, mais qui est totalement atmosphérique. C'est plus une sécurité psychologique. C'est simplement une atmosphère de l'esprit. À partir de ce moment-là, l'homme commence à créer, est capable de commencer à créer ses propres conditions de vie. Et à partir de ce moment-là, l'homme commence à voir que la vie sur le plan matériel, parce qu'on pense souvent à l'éther, puis le monde, les autres plans, on pense jamais ici. T'sais, ici, c'est la cochonnerie. Mais je peux vous dire que la vie sur le plan matériel, dans les conditions où les corps sont balancés, peut être extrêmement bien, bien, bien, bien intéressant. Extrêmement bien intéressant. Mais la condition, c'est que l'homme ne fonde pas sa sécurité sur une racine quelconque qui vient du passé, mais qu'il fonde sa sécurité sur une atmosphère, c'est-à-dire sur une clarté de son esprit qui lui donne le pouvoir de faire des actions créatives et de faire des mots créatifs, ou de créer des mots. Un va avec l'autre. Les deux. Il faut que l'homme ait les deux. Et il y a définitivement une relation entre les deux. Et je dis qu'un homme qui est capable de créer des mots et qui est capable aussi de faire des actions créatives et capable de diffuser. Mais pour pouvoir diffuser, il faut pouvoir faire les deux. Tu veux que tu aies des conditions à toutes. Pour pouvoir diffuser, c'est-à-dire pour travailler avec l'énergie, il faut pouvoir faire les deux. Et subir les conséquences de l'apprentissage qui vient avec les deux expériences. Créer des mots, c'est passé. Faire des actions créatives, c'est passé. Il faut les deux. Et eux autres appellent ça la synthèse de l'esprit et de la matière. La synthèse de l'esprit du corps. Parce que le corps, c'est pas ce que l'on pense. Le corps a de l'importance pour nous autres à cause de nos sens. Mais le corps est autre chose que ça. Parce que le corps n'a de vie que lorsque l'esprit est parfaitement clair. C'est quand l'esprit est parfaitement clair que le corps devient vivant. C'est-à-dire que c'est quand l'esprit est parfaitement clair que le corps sert l'esprit. C'est quand le corps sert l'esprit que l'émotion n'est plus. Qu'il y a simplement de l'intelligence créative qui se sert du corps astral pour donner au corps matériel une sensation quelconque, qui se sert du corps mental pour donner à l'esprit un support psychologique vis-à-vis ce qui le remplit. Ce qui devient créer des mots ou créer une action. Je crois que l'émotion, c'est quand tu dis, suis cette vraie. C'est touché. Parce que il y a bien des gens qui suivent la vibration, mais la vibration qui suit, c'est la vibration qui est colorée par la corps astral. Quand tu crées une action, c'est pas que tu suis ta vibration, tu es dans l'énergie. La raison pour laquelle je reprends sur ces mots-là, c'est parce que je sais que ce que tu veux dire, c'est pas ce que tu veux dire, mais je sais que ce que tu dis, c'est ce que les gens comprennent pas. C'est ça que je leur fais. Il y a des gens qui me disent « Ah, je suis mes vibrations! » Mais regarde les vibrations qui suivent. Il n'y a pas de conscience là-dedans. Il y a de l'inconscience là-dedans. Il y a de l'émotivité là-dedans. Puis l'homme est très facile à dire « Je suis mes vibrations! » Parce qu'il ne s'agit pas pour nous autres de suivre nos vibrations. Il s'agit pour nous autres d'être harmonisés à l'énergie en nous. Et lorsqu'on est harmonisé à l'énergie en nous, il n'y a pas d'émotivité dans cette énergie-là. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on suit nos vibrations. Mais s'il y a de l'émotivité en nous, quand on suit, en parenthèse, nos vibrations vont nous amener quelque part qui ne devrait pas nous amener. Fait que là, on va apprendre. C'est ça, le discernement. Puis le discernement, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à ne pas suivre nos vibrations. Mais à suivre, le discernement, c'est apprendre à ne pas suivre nos vibrations, mais apprendre à vivre dans l'énergie. Si tu vis dans l'énergie, tu crées, tu ne vis pas. Si tu vis dans l'énergie, tu crées, tu ne vis pas automatiquement. Sans si tu vis tes vibrations, tu peux réagir émotivement. Fait qu'à ce moment-là, tu es dans une énergie, mais qui n'est pas libre de ton corps astral. Quand ça soit l'ego qui vibre. Si l'ego ne vibre pas, tu es dans l'énergie. Mais c'est subtil quand tu dis ça. Parce que tu peux dire que l'ego ne vibre pas parce que l'énergie se situe dans le centre mental. Est-ce que tu te bloques à un moment donné à vouloir être ton œil qui va vibrer? Hein? Parce que ce que tu dis, c'est dangereux dans les attitudes. Parce qu'on peut avoir une attitude de ne pas vibrer, parce qu'on est inconscient, trop pour vibrer. Je vais en parler de ça, parce que c'est bien important. Parce que les attitudes, c'est comme ce que tu disais tantôt, là. Les attitudes sont à l'action, ce que les mots parlés sont à intelligent, aux mots créés. C'est ça. Il y a des... Tu sais, créer l'action, là, c'est pas... avoir des attitudes. Non. Yo. Ça, là, c'est pas encore. Ouais. Non, je vais donner un exemple pas mal concret de cette affaire-là, là, comme un petit peu stable dans le temps. On va voir un char, j'aurais pas l'intention d'acheter, je suis un dépositaire, juste pour regarder ce qu'il y a aussi. Quand j'arrive à côté de l'auto, c'est la barouette, ça te dit que c'est ça, pourquoi vous l'achetez, ça? Fait que, du coup, La rationnelle y rembarque, le désir n'est pas là, je ne pas racheter un char, ça n'a pas de montant, ça me tombe, pas plus que ça, jamais pour le montant, tu sais. Je ne l'achète pas, tu sais. Et pour ça, évidemment, je demande à l'acheteur, il dit, ouais, je n'ai pas racheté ton char, hein. Il dit, attends, je n'ai pas dit mon dernier mot, il dit, de toute façon, il dit, tu ne l'as pas acheté, mais il dit, tu t'es pas mis au 100% de toi-même, tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. Parce que tu as impliqué ton rationnel là-dedans. C'est arrivé que c'était là, alors que tu savais fort bien que c'était pas ici que tu le sentais, mais c'était là. Quand tu l'as dit, il dit que tu l'as pas dit dans le sens du désir, tu ne désirais pas le tout. Parce que tu as besoin de travailler, tu ne le désirais pas vraiment. Tu savais que tu avais à faire ça, tu avais juste à l'acheter. Tu vois, mais tu l'as payé, moi, Charles, juste pour moi. C'est ce qu'il dit. Il dit si tu l'as pris le tour, il dit ça va passer inaperçu. Étant donné que c'était le temps de l'action, ça sera payé. Comme si elle avait eu du loto, ça aurait travaillé, c'est sûr, mais ça n'aurait fait aucun problème pour l'avoir. C'était le temps de l'avoir. Mais c'est-tu vrai, ça, ce qu'il disait? J'ai continué à faire un petit peu loin. Demain, ouais. Là, je vais pas acheter pareil. Je me suis continué à dire, ouais, c'est ça, on travaillait très bon. C'est arrivé après, c'est allé plus loin, évidemment. Il s'est représenté d'autres occasions après où ça devait se vérifier. Savoir si vraiment je devais suivre ou ne pas suivre son équipe. Parce que dans le fond, il y avait mon jeu qui disait là-dedans. Mon jeu qui veut toujours avoir son opinion à mettre là-dedans. Puis marcher par ses désirs. Il y a eu d'autres occasions dans le sens que c'est le fait en résultat. C'est un entrepreneur général, fait que c'est facile de. Toutes les semaines, tu te remets tout le temps en question à chaque nouveau contrat. Fait que là, il dit ouais, tu dois arrêter de travailler avec un tel. Évidemment, j'ose pas, parce qu'avec lui, c'est une sécurité, ça peut être. Fait qu'encore une fois, ça implique encore. Toute l'organisation de toi-même, c'est bien le matériel, les problèmes, c'est parce que c'est jamais des affaires dans l'esprit. Évidemment, ça crée des trucs dans l'esprit, mais c'est dans la matière qui est arrivée. Il dit lâche un terme. Mais en fait, dans le désir, je ne tiens pas à le lâcher, parce que la sécurité au début, quand ça part, ça m'en part, déjà. Mais si je le suis, je sais que c'est ce que j'ai à faire. Je le sens en dedans, étant donné que. C'est la même de vibration qui est ressentie, mais non désirée dans le sens du désir du jeu. Avec son ancien rationnel, si tu penses comme faux, tu ne peux pas faire ça, tu as envie de faire ça. Alors que quand arrive le moment d'action, tu sens, tu te dis, ah, ça c'est le moment d'action. Que ce soit ici ou que ce soit après à faire, quand c'est le temps, tu sens que c'est le temps, c'est ça qu'il y a à faire. Mais on se bloque trop souvent parce qu'on y réfléchit trop, qu'on ne sait pas justement cette intuition-là qu'on dit. Ouais, mais il y a deux aspects là-dedans. Tu sais, il y a deux aspects là-dedans. Nous autres, quand on se conscientise, on est obligé d'apprendre qu'eux autres existent. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, il faut apprendre qu'ils n'existent pas. On apprend qu'ils existent, fait que là, c'est entre eux autres, puis nous autres, puis eux autres, puis nous autres, bah, bah, OK. Mais nous autres, eux autres, ils nous mettent dans la merde tout le temps. Tout le temps, ils nous mettent dans la merde. Sais-tu quand est-ce qu'ils nous mettent plus dans la merde? Quand on sait qu'ils existent, on s'en occupe plus. Là, ce que je veux dire, c'est que quand tu sais qu'ils existent, tu t'en occupes plus, c'est parce que ton corps mental, ton intelligence, est ajusté à leur vibration. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as plus besoin de leur demander parce que déjà tu le sais. C'est ça ou si c'est pas ça. Si tu le dis, tu ne crois pas. Si tu passes par eux autres pour checker, ça va rien. Pas le voir. Ouais. Mais si tu le sens en dedans, il faut que tu agisses. Si toi tu le veux, si tu le veux, tu vas agir anyway. Pas le sens en dedans. Non, si tu l'agisses par ton corps de désir, tu veux toujours quelque chose. À ce moment-là, tu vas toujours t'embarquer et travailler le bout de tout le temps. Tu travailles, mais tu ne peux pas travailler si fort que ça, tu as payé ça. Toujours en contrainte tout le temps. Tu les écoutes, eux autres, c'est sûr qu'ils t'embarquent. Tu t'embarques tout le temps pour toute sa part. Mais viens un temps où tu ne veux plus les écouter, okay? Parce que de toute façon, tu commences tes écoutes. Eux autres, si tu les écoutes, ils vont te faire passer des tests. Je vous la donne, la marche, comment est-ce que ça marche, là. Ça va tout répondre à vos questions. Tes écoutes, ils vont te faire passer des tests. Éventuellement, tu vas venir en maudit. Parce qu'ils te font passer des tests. Ils vont te faire mettre en dette. Éventuellement, t'es là dans le cul. T'es écoute plus. Mais la connexion est faite. Fait que tout ce que tu fais, c'est correct. C'est ça l'affaire. Fait qu'il faut que les gens arrivent à un point d'arrêter de les écouter, faire leur affaire comme ils faisaient avant le contact. Mais comme les corps ont été ajustés, tout ce que tu fais, c'est correct. Sans ça, si t'es écoute, eux autres, c'est parce que toi, tu n'es pas capable de créer d'action. Tu te fies à eux autres. Il faut que tu en arrives à toi créer l'action, parce que quand tu crées une action, comme quand tu crées un mot, tu deviens toi-même responsable de ce que tu crées. Il faut que tu réalises que dans les tensions qu'il te crée, l'ajusteur arrive et tu dis, bah, c'est moi qui contrôle les hasards. Okay? Étant donné qu'il... Il dit, mais non, fais pas ça. T'sais. Tu le fais, il t'arrange, t'es tellement d'alors que ça tourne en marde. Il y a des clavis. Moi, j'en revois le nez, je fais ce que je veux. Bon, je reste à la maison, je reste à la table. Si tu veux que je mange, t'arrangeras comme tu voudras, je fais ce que je veux. ça se passe deux semaines avant la vacance. Ça veut dire, là, c'est à la maison, tu sais. Là, évidemment, il y a toujours l'incontact, puis c'est pareil, c'est rare, mais s'il ne va plus travailler, il n'y a plus rien que tu fais, tu ne réponds plus à l'article. Mais tout ça, dans le fond, ces tensions-là qui se créent, là, c'est que tu connais le pouvoir qu'ils ont pareil. S'ils ne veulent pas quelque chose, ça ne passe pas. Attention, hein? Vous êtes encore à l'âge de l'innocence. Vous leur donnez bien plus de pouvoir ou crédit de pouvoir. C'est bien subtil, ce travail-là. Eux autres, ils ont le pouvoir sur nous autres. Tant qu'on leur arrache pas le pouvoir. Puis pour leur arracher le pouvoir, il faut être intelligent. Autrement dit, il ne faut pas avoir d'émotivité, puis il faut avoir de la volonté automatiquement. L'intelligent. Tu leur arraches le pouvoir. C'est-à-dire que tu te sers de l'énergie créative pour créer un mot ou créer une action. Mais si tu es obligé de leur demander leur avis à eux autres, tu peux être garanti qu'ils vont te donner. Ils vont te donner leur avis. Ils aiment ça. Ils sont contents. Mais ils vont te faire passer un test. Il faut qu'on en arrive à être suffisamment tourné à l'énergie qu'on n'ait pas à passer par la pensée pour agir. Il faut que tu saches à l'intérieur qu'est-ce que tu as à faire, tu ne parles plus à lui. Tu as senti en disant qu'il fallait que tu... Il faut que tu en arrives à passer... Non. Faut qu'on en arrive à ne pas passer par la pensée pour agir. Il faut qu'on en arrive à passer simplement par l'énergie. Sentir, c'est pas bon parce qu'ils peuvent te jouer un cul. Il ne faut pas sentir. Tu ne peux pas discuter avec, là. Tu parles, tu es en pleine action d'un coup. Tu ressens de l'affaire, là, que tu as ça à faire. Est-ce qu'on mélange pas? Non, on mélange pas. C'est parce qu'on est dans des couches bien subtiles de la psychologie de l'intelligence, là. Puis, faut que ça soit bien éclairci. Parce que. On n'a pas à sentir rien. Sentir, ça fait partie de l'intuition. Ça fait partie de l'expérience ancienne de l'homme. On n'a plus besoin d'intuition. Ça vaut rien pour nous autres de l'intuition. Parce que de l'intuition, ça n'a pas de force. Ça répond pas au moment de l'action? Ça répond pas à notre besoin instantané d'intuition. Ça répond à notre conscientisation de l'intention de l'ajusteur de pensée. Pas pareil. Toi, si tu vas dans un garage, puis tu vas voir un char, puis le gars, il te monte un char, vibratoirement, tu le sais. Tu connais ton compte de banque, tu connais tes possibilités de travail, tu le sais si tu peux ou si tu peux pas. Puis si tu peux, tu fais le mouvement. Le moment que tu as fait le mouvement, tu recules plus en arrière. Faut que tu puisses le faire, le mouvement clair et net. Tu sors, tu vois, je suis ton genre, paf. Mais si tu commences à sentir, puis leur demander leur opinion, ils vont te faire un contrat, il sera pas écrit, mais il va te durer pendant 2-3 ans. Autrement dit, ça, eux autres, ils appellent ça l'erreur des êtres spirituels. Aussi longtemps qu'on a de l'intuition. Aussi longtemps que vous fonctionnez par intuition. Ça va pas de la merde d'intuition. C'est bon pour avant, ça, l'intuition. T'sais? Mais quand tu rentres dans l'intelligence, quand tu rentres dans la connexion, quand la connexion est faite entre le mental et eux autres, puis l'énergie, tu n'as plus besoin d'intuition. Parce que tu es dans la vibration de l'intelligence. Tu es dans la vibration, tu es dans l'énergie de l'intelligence. Tu n'as plus besoin d'intuition. Tu sers de ton intelligence qui a été altérée. Exactement ça. Et ton intelligence altérée devient sans faille, tu ne peux pas faire d'erreur. Parce qu'elle est ajustée, ton intelligence, à l'énergie. Fait qu'automatiquement, tu ne peux pas faire d'erreur. Et automatiquement, ce qui est en haut d'en bas, automatiquement, ce qu'ils veulent, c'est ce que tu dois faire. Puis automatiquement, ce que tu veux faire, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qui est connu, ce qui est su. Mais ça te convient parfaitement. Dans son exemple, lui, pour son char, ils ont fait passer Dis donc dans ta tête, si tu serais fait mettre dans le trou, si tu l'avais acheté le char, qu'est-ce qu'il dit? Il aurait payé un peu. Ouais, exact. Dis donc si tu avais raison. Puis m'en dis-leur, comment ça fait qu'eux autres n'avaient pas raison? C'est un autre travail. Ah. Fait que ça laisse, ça laisse l'intuition où, ce mandat donc, c'est que tu vas savoir comment faire. Ouais. Parce que la question se posait, pourquoi il était voir un char en premier? Il n'a pas acheté puis il s'en est passé, parce qu'il n'avait même pas d'en voir un dessus. Vous autres, là, vous êtes encore, vous me faites penser encore aux petits trains, les petits chars à rue Sainte-Catherine, avant drapeau. Vous êtes téléguidé. Vous allez vous faire téléguider tant que vous allez rester sur les tracks. Puis les tracks, c'est quoi? C'est ça. C'est ça, quand je dis, c'est par la souffrance, autrement dit, le combat avec eux autres, qu'on la descend ici, cette affaire-là. Et qu'on s'en sert comme on veut. Pas comme eux autres veulent. Eux autres, ils vont tâter pendant des années de temps, puis te raffiner. Fait que, une chose va avec l'autre. Tant qu'ils vont pouvoir te tâter, ils vont t'agroger. Tant qu'ils vont pouvoir vous agroger, ils vont vous agroger. Ça, c'est normal. Mais un jour, vous allez comprendre votre leçon. Puis un jour, vous allez descendre l'énergie ici. Ça va être votre volonté, votre intelligence. C'est avec ça que vous allez travailler. Après ça, t'as plus de problème. Parce que t'es trop intelligent. Mais, les gens sont des petits trains électriques. Faut qu'on sorte des tracks. Qu'on ait des tracks. Quand on se conscientise, c'est bon. Mais après ça, faut qu'on sorte des tracks. Hey. C'est des chiens. Parce que nous autres, on ne connaît pas encore les lois de l'intelligence. Quand tu connais les lois de l'intelligence, tu veux te l'air en maudit. Mais tu supportes l'énergie de ton action et l'énergie de ton mot créatif. Sans ça, on souffrira tout le temps. Puis ils peuvent nous faire souffrir longtemps, maudits autres. L'intuition, c'est bon pour les anciens. Encore une forme de support. C'est leur façon de nous donner, de nous canaliser de l'énergie, mais il faut qu'il y ait de l'intelligence dans notre patente. L'intuition, c'est avoir l'intelligence. C'est un petit peu d'intelligence. Mais c'est le bip-bip. C'est le bip-bip. Puis nous autres, on prend le bip-bip pour un boum-boum. Maman, pourquoi des fois, parce que ça, quand ils font ça, ça leur permet de vous faire réaliser en tant qu'ego leur réalité. Mais t'as pas besoin des autres. On a tendance à personnaliser l'intelligence. Et là, notre erreur, c'est prépersonnel de l'intelligence. C'est totalement prépersonnel, c'est rien que de l'énergie. Nous autres, on a tendance à la personnaliser quand on devient conscient des autres. Puis on s'imagine qu'ils vont nous faire des candés. Parce qu'on est spirituel. On est bon, on est fin, on est bonbon, on se conscientise. Mais c'est rien que quand on a passé par le tordeur qu'on comprend la game. C'est prépersonnel l'intelligence. C'est rien que de l'énergie. Puis quand on comprendra que dans l'intelligence, il y a rien que de l'énergie, qu'il n'y a pas de personnalité, à ce moment-là, ben, on descend l'énergie ici, puis on s'en sert pour nous autres. Pas pour eux autres. Si le char, c'est des tracts de char, c'est sortir des tracts, je viens faire la fusion avec le char. Quand t'es dans la fusion, Charlie, t'as fait sauter les tracts, puis le char. Tiens. C'est quand t'es dans la fusion, t'es intelligent en maudit.